allers-retours, fumer des allers-retours, des graines de bavons qui assèchent la tête. La fin se rapproche chaque jour sans arrêt. Mes démons font la fête.